France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est évident, pour empêcher la discorde entre époux, dans les vaudevilles en tout cas, il faut la présence d'une belle-mère. Oui, c'est un dérivatif, pense le gendre. Le gendre est un gendre parce qu'il est un mari, tout d'abord, et parce que son épouse a une mère, c'est QFD. Mais un mari peut être un abominable débauché, passé pour un abominable débauché, et donc un gendre dénaturé. Il s'agit évidemment du même homme. Un homme qui, pour faire ses farces, loue un appartement, un petit entresol, et un homme qui invite à le rejoindre une femme mariée. En tout bien, tout honneur, cela va de soi. « Mon mari vous tuera », dit la jeune éventuelle maîtresse en devenir, si les éléments, les rebondissements, les quiproquos, les fâcheux ne bousculent pas le bel ordre bourgeois. « Mon mari vous tuera, je le connais. » Mais il n'a pas le droit, il n'est pas médecin. Tailleur pour dames, par le Théâtre Populaire juin 44, c'était le 20 décembre 1962 sur France 2 Régionale. Pour célébrer le centenaire de la naissance de Georges Feydeau, le Théâtre Populaire de juin 44 présente, dans une production de Maurice Bertrand, Tailleur pour dames, une comédie en trois actes de Georges Feydeau. Avec Bernard Dérand, sociétaire de la Comédie Française, Robert Murzeau, Henri Wilbert, Harry Max, Béatrice Bretti, Moni Dalmès, Lily Sioux, Fanny Marette, Olga Nilza, André Gire et Maud Gypsy, dans une réalisation de Roger Dattis. Monsieur Maurice Bertrand vous parle. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonsoir. On célèbre un peu partout le centenaire de la naissance de Georges Feydeau, considéré aujourd'hui comme un des plus grands auteurs comiques contemporains. Tailleur pour dames, que vous allez entendre, est la première œuvre que Feydeau fit représenter avec succès à la Renaissance. Madame Dussane, dont l'esprit, l'érudition et le talent sont fort appréciés de vous tous, va vous parler de Feydeau et de son œuvre. Un centenaire, et sur le nom de Georges Feydeau. Quel paradoxe! On a bien vraiment peine à imaginer que ce Feydeau, qui nous fait si follement rire, puisse être l'objet d'une célébration aussi grave. Mais les dates sont là, servons-nous d'elles pour le connaître un peu mieux et lui manifester notre gratitude. C'est en effet le 8 décembre 1862 que Georges Feydeau est né à Paris d'un père romancier de talent et grand ami de Gustave Flaubert. La vocation théâtrale de Georges Feydeau se manifesta presque dès l'adolescence et elle lui valut les clairvoyants encouragements d'Eugène Labiche. Il a 20 ans à peine quand il risque ses toutes premières pièces, Le Diapason et Amour et Piano à l'Athénée. Et il n'a pas plus de 25 ans quand il remporte son premier grand succès à la Renaissance, c'est en 1887, et la pièce est justement ce Tailleur pour dames que vous allez entendre dans un instant, et que je me garderai bien d'essayer de vous résumer. On ne résume pas un vaudeville de Feydeau. À dater de ce premier succès, Feydeau va donner presque régulièrement une pièce par an, et toujours avec un accueil extraordinairement chaleureux de la part du public. Il a d'abord travaillé un peu en amateur pour le plaisir, mais il s'est laissé aller à des spéculations boursières qui ont mal tourné. Je crois que c'était un peu par goût du jeu, goût de la poésie déjà. En tout cas, elles tournèrent mal, il se trouva à peu près ruiné, et il lui fallut alors exploiter pour vivre le don magnifique qu'il avait reçu de la nature. Et c'est alors, je vous le disais, une pièce par an. Ses plus éclatantes réussites à l'époque furent, et les titres vous les connaissez encore, Champignol malgré lui, L'hôtel du libre-échange, et surtout, à la veille de l'exposition de 1900, la légendaire Dame de chez Maxime. C'est plus tard, entre 1910 et 1913, qu'il a donné ses véritables chefs-d'œuvre, de petites comédies seulement en un acte, libérées des agencements compliqués du vaudeville et déchaînant le fou rire par la simple cocasserie des caractères et les rebondissements du dialogue. Feu la mère de madame, on purge bébé et ne te promène donc pas toute nue. Ce sont les trois plus célèbres. Il y en a cinq, mais ce sont vraiment celles-là les meilleures. Dans les trois pièces dont je vous parle, Feydeau s'était inspiré, paraît-il, d'un caractère de femme qu'il connaissait bien pour l'avoir observé d'aussi près que possible et quotidiennement dans son entourage immédiat. Enfin, je peux le dire, car cela a déjà été écrit dans des biographies, il paraît que c'était le portrait de sa femme au point qu'elle lui dit qu'il devrait bien lui verser des droits d'auteur. À quoi il répondait « Mais ma chère amie, je ne fais que ça ». Cet auteur qui nous aura tant fait rire et qui continue de faire tant rire était loin à la ville d'être jovial. Écoutez quelques lignes du délicat portrait que fit de lui Robert de Flers au lendemain de sa mort. « Je revois Georges Feydeau, écrit Robert de Flers, son élégance, sa distinction physique, son air souriant et détaché. Chez lui, tout était grâce et bonne grâce, par le don, par l'absence d'effort. Jamais aucun homme ne fut à un tel point dépourvu du souci de l'attitude et de la préméditation de paraître. La personnalité de Feydeau était de tout devoir à la nature et de s'abandonner librement à son conseil. Et par là, ce fut un poète. Qui donc savait mieux que lui tout ce qui peut s'envoler de fantaisie et de désenchantement dans la fumée d'un cigare ? À travers son nuage léger, il observait les hommes, si l'on peut dire, avec une distraction attentive. Il rêvait sans cesse. Mais comme les étoiles lui paraissaient trop loin, comme le clair de lune lui paraissait trop pâle, et que l'idéal lui semblait un peu fatigué, il rêvait à la vie. Et c'est pourquoi il ne souriait qu'à peine. Ce grand assembleur de joie était un mélancolique. Aussi bien, et toujours le plus naturellement du monde, il se plaisait à être un bon, vivant et charmant paradoxe. Il était infiniment cordial avec quelques froideurs, très sensible sous une apparente indifférence, ambitieux avec modestie, travailleur avec nonchalance, de belle humeur avec tristesse. Il n'y avait que sa loyauté, que sa franchise, que son esprit de bonne camaraderie qui s'affirmassent avec plénitude et sans admettre aucune contradiction. Ainsi s'exprimait en 1921 Robert de Flers, qu'il avait bien connu, et peut-être, sans cependant que nous puissions discerner de quelle manière, peut-être la déconcertante invention mathématique du vaudevilliste Feydeau doit-elle quelque chose de son infaillibilité et de son abondance à cette sorte de mystère et de charme qui enveloppait l'homme. Miraculeusement, il a su orchestrer en cascade de rire toujours renaissante et merveilleusement architecturée la dissonance permanente qu'il portait en lui. Un salon chez le docteur Moulineau. J'ai encore sommeil, moi. Ah, c'est stupide. Il est prouvé que c'est toujours au moment de se lever qu'on a le plus envie de dormir. Alors, eh bien, l'homme devrait attendre qu'il se lève pour se coucher. Oh, oui, je bats à me décrocher la mâchoire. Ça vient peut-être de l'estomac, ça. Oui, il faudra que je demande à monsieur. Ah, voilà, l'agrément d'être au service d'un médecin. Eh oui, on a toujours un médecin à son service. Et pour moi qui suis d'un tempérament maladif, nervoso-lymphatique, comme dit monsieur. Eh oui. Ah oui, je suis très bien ici. Oh, j'y étais encore mieux autrefois, il y a 6 mois, avant le mariage de monsieur. Mais il ne faut pas me plaindre. Madame est charmante, oui. Et étant donné qu'il en fallait une, eh bien, c'est bien la femme qui nous convenait, à monsieur et à moi. Bon, eh bien, il est temps d'aller réveiller monsieur. Tiens, quelle drôle de chose encore que celle-là. La chambre de monsieur est ici et celle de madame est là. On se demande vraiment pourquoi on se marie. Enfin, il paraît que ça se fait dans le grand monde. Monsieur, ben, il dort bien. Comment personne? La couverture n'est pas défaite. Mais alors, monsieur n'est pas rentré cette nuit? Monsieur se dérange. Oh, et sa pauvre petite femme qui repose en toute confiance. Oh non, vraiment, c'est mal. Madame. Monsieur est-il levé? Oui. Vous paraissez troublé. Comment, moi troublé? Au contraire. Mais que madame me regarde. Moi troublé. Oui, oh. Oui. Non. N'entrez pas, madame. Voilà une idée. Pourquoi ça? Parce que il est malade, monsieur. Malade? Mais justement, mon devoir est d'y aller. Non, mais enfin, quand je dis malade, j'exagère. Et puis, c'est ouvert par là. Je fais le ménage, j'ai plein de poussière, je fais la chambre. Mais comment? Quand mon mari est malade? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais madame! Pincé. Il est pincé. Enfin, ma foi, tant pis, j'aurais fait ce que j'aurais pu. Oh! Le lit n'est pas défait. Mon mari a passé la nuit dehors. Ah, je vous fais mes compliments, Étienne. Monsieur doit bien payer vos bons services. Je voulais éviter, hein, madame. Oh, vous êtes trop charitable, je vous remercie. Oh, après 6 mois de mariage! Mais c'est affreux! Oh, pauvre petite femme. Ah, mais aussi, c'est bien fait pour lui. Pour ces choses-là, je suis intraitable. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez! Et moi? Ah, c'est monsieur. Ah, monsieur a passé la nuit dehors. Oui. Chut! Non! Comment là? Oui, enfin, c'est-à-dire oui. Madame ne sait rien. Oh bien, madame sort d'ici et si j'en juge par sa figure... Ah oui. Oh, diable. Oh, monsieur, c'est bien mal ce que fait monsieur et si monsieur voulait croire un ami... Quel ami? Mais moi, monsieur... Les dents, gardez donc vos distances. Oh, Dieu, quelle nuit. J'ai dormi sur la banquette de l'escalier. Si je n'ai pas attrapé 20 rhumatismes... Ah, on m'y reprendra encore, aller au bal de l'opéra. Ah, monsieur est allé au bal de l'opéra? Eh oui, enfin, c'est-à-dire non. Occupez-vous de vos affaires. Non, oui, mais c'est égal, monsieur. Monsieur a une bonne tête et il ne faut pas être malin pour voir que monsieur a nocé toute la nuit. Eh bien, Étienne, allez donc à votre fils. Ah, c'est bon. J'y vais, monsieur. Oh, Dieu. Quand on m'y repincera encore, à aller au bal de l'opéra. Ah, le ciel m'est témoin que je ne voulais pas y mettre les pieds. Ah bien, oui. Mais ce joli petit démon de Madame Aubin fait de moi ce qu'elle veut. En principe, ne jamais avoir pour cliente une jolie femme et une femme mariée. C'est très dangereux. Ainsi l'opéra, c'est un caprice à elle. À 2 heures, sous l'horloge. Cela voulait dire, attendez-moi, sous l'orme. Et j'ai attendu jusqu'à 3 heures, comme un serin. Aussi, quand je l'ai vu, qui ne venait pas, je suis parti furieux. J'étais moulu, éreinté. Je rentre, me consolant à l'idée d'une bonne nuit. Arrivé à ma porte, crac, pas de clé. Je l'avais oublié dans mes effets de jour. Sonné. C'était réveiller ma femme. Crocheter la porte. Je n'avais rien de ce qu'il fallait pour ça. Alors, désespéré, je me suis résigné à attendre le jour et à passer la nuit sur une banquette. Ah, celui qui n'a pas passé une nuit sur une banquette ne peut pas se faire une idée de ce que c'est. Je suis gelé, brisé, anéanti. Oh, quelle idée. Je vais me faire une ordonnance. Oui. Mais si je me soigne comme mes malades, j'en ai pour longtemps. Si vous voulez chercher un homéopathe... Ah, oh, vous voilà enfin. Oui, me voilà. Tu as bien dormi, comme tu es matinale. Et vous, donc? Moi? Oui, tu sais, j'avais un travail à faire. Où avez-vous passé la nuit? Où avez-vous passé la nuit? Oui, j'entends bien. Oui, j'ai passé la... Je ne t'ai pas dit. Hier, en te quittant, je vais chez Bassinet. Oh, mais il est très malade, Bassinet. Ah, et vous y avez passé la nuit? Voilà, oui, hôte. Tu ne sais pas dans quel état il est, Bassinet. Vraiment? Aussi, j'ai dû le veiller. En habit noir? En habit noir, parfait. Enfin, c'est-à-dire, non, je vais t'expliquer. Bassinet est si malade, n'est-ce pas, que la moindre émotion le tuerait. Alors, pour lui cacher la situation, on a organisé une petite soirée chez lui, avec beaucoup de médecins. Une consultation en habit noir. Hein, et alors, on a dansé, toujours pour lui cacher la... Alors, tout en dansant, n'est-ce pas, sans avoir l'air de rien, oui, c'est le petit choléra, il n'en réchappera pas. Oh, ça a été dingué. Avec les malades, il faut savoir user de subterfuges. C'est très ingénieux. Ainsi, il est perdu. Oh, perdu. Il ne s'en relèvera pas. Monsieur Bassinet. Bonjour, docteur. Lui, que le diable emporte. Chut, taisez-vous. Vous êtes malade. Qui, moi? Jamais de la vie. Et vous allez bien, monsieur Bassinet? Mais comme vous voyez... Oui, comme tu vois, très mal. Ah, il va très mal. Allez-vous vous taire, je vous dis que vous êtes malade. Pourquoi voulez-vous que monsieur Bassinet soit malade, puisqu'il vous dit que... Mais est-ce qu'il sait? Il n'est pas médecin. Non, mais je te dis qu'il est perdu. Je suis perdu, moi? Mais oui, seulement, on a voulu vous cacher la situation. Oh, ma foi, tant pis, il en crèvera s'il veut. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Et là, c'est même pour cela que mon mari a passé la nuit auprès de vous. Allez, là, v'lan, aïdon. Il a passé la nuit auprès de moi, mais lui? Mais oui, vous n'en êtes pas aperçu. Laisse-le donc, Yvonne, tu vois bien qu'il a le délire. Mais taisez-vous donc. Vous ne sentez pas que vous faites des impairs? Décidément, c'est lui qui est malade, le docteur. Allons, monsieur Bassinet, soignez-vous bien. C'est égal, vous avez bien bonne mine pour un homme à l'agonie. Il est vrai qu'elle dure depuis si longtemps. Oui, c'est une agonie chronique. Ce sont les moins mortels. C'est clair, il me trompe. Ah, oh, je dirais tout à ma mère. Oh, ça... Enfin, vous ne voyez donc pas que vous faites bourde sur bourde depuis un quart d'heure. Oh, vous n'avez pas l'air de comprendre un demi-mot, voilà. Comprendre quoi? Mais la situation. Et quelle situation? Oh, mais si je vous mettais à l'agonie, c'est que j'avais mes raisons. Vous pouviez bien y rester. Permettez. Quel besoin aviez-vous de venir patauger? Eh, quoi? Vous ne pouviez pas avoir le tact de ne pas venir. Et comment vouliez-vous que je devine? Dame, un lendemain de bal de l'opéra, on ne va pas chez les gens quand ils vous ont pris comme prétexte. Ah, si vous m'aviez dit... Ah, il faut toujours vous mettre les points sur les i, à vous. Ah, bien, c'est assez naturel. Ah, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, voilà ce que je voulais. Moi, vous savez, je ne viens que lorsqu'il y a un service à rendre. Ah, ah bien, ça rachète, ça. Si c'est pour un service... À me rendre, parfaitement. Ah, c'est pour un... Aussi le contraire m'eût étonné. Non, je vous demande pardon, je suis un peu fatigué, j'ai dormi sur la banquette. Oh, ça ne fait rien. Je vous remercie. Mais j'attends ma belle-mère qui arrive aujourd'hui à Paris, alors vous comprenez... Oui... Eh bien, voilà ce que c'est. Crampon, va. Je vous demande pardon. Monsieur a sonné. Oui, Étienne, je vous en prie, débarrassez-moi de ce monsieur. Alors, dans 5 minutes, sonnez, apportez-moi une carte de visite, n'importe laquelle, et dites que c'est une personne qui demande à me parler. Ça la fera partir. Compris. Le remède contre les raseurs. Voilà. Bien, monsieur. Vous savez qu'il y a un an, à la suite de mon héritage... Votre héritage? Oui, le montant de mon oncle que j'ai réalisé. Ouais. J'ai acheté une maison à Paris, 70 rue de Milan. Or, mes appartements ne se louent pas. Non. Alors je suis venu, comme vous voyez pas mal de clients, pour vous demander de tâcher de m'en faire louer quelques-uns. Hein? C'est pour cela que vous me poursuivez jusqu'ici? Non, mais attendez donc, ne vous fâchez pas. Vous n'aurez rien à y perdre. Mes appartements sont très malsains. J'entretiendrai votre clientèle. Mais allez au diable! Si vous croyez que je vais recommander vos appartements malsains? Mais pas tous. Ainsi, j'ai un petit entresol tout meublé. Une occasion. C'est une couturière qui l'habitait et l'a délogé sans payer. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... Mais je m'en moque, moi, de votre histoire, de votre appartement, de votre couturière. Je voulais que j'en fasse, moi, de votre couturière. Non, permettez, ce n'est pas de la couturière. Mais je sais bien, mais vous auriez pu choisir un autre moment pour m'en parler. Je pense que pendant ce temps, ma femme, ma pauvre femme... Oh, c'est vrai, vous êtes mariée, vous. Moi, hélas, j'ai perdu ma femme. Ah non, tant mieux, tant mieux. Comment tant mieux? Non, je veux dire, tant pis, tant pis. Vous ne le croiriez pas, ce que c'est que la vie. Elle m'a été enlevée dans l'espace de 5 minutes. Enlevée? Par une attaque d'apoplexie? Non, par un militaire. Je l'avais laissée sur un banc aux Tuileries. Je lui avais dit, attends-moi, je vais jusque chez le marchand de tabac pour allumer un cigare. Je ne l'ai jamais retrouvée. On a sonné. C'est Étienne. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à vous parler. Voici sa carte. Ah, voyons. Ah, parfaitement, parfaitement. Ah, je vous demande pardon, monsieur Bassinet. C'est un raseur, mais je ne peux faire autrement que de le recevoir. Un raseur? Je connais ça. Faites-le entrer. Je vais rester là, ça le fera partir. Hein? Comment il va rester là? Mais non, mais quel col! Non, mais c'est qu'il veut me parler en particulier. Ah, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que ce raseur? Ouais. Chevassus? Mais... Oh, c'est Chevassus. Je le connais très bien. Je serais enchanté de lui serrer la main. Je m'en irai après. Hein? Ah non, ah non, non. Ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez... Ce n'est pas lui. C'est son père. Il n'en a jamais eu. Alors, c'est son oncle. Et il désire ne pas être vu. Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Oh, très bien. Hé, dites donc, je vais attendre dans la pièce à côté. Oh, mais comment, mais il ne s'en ira pas. Eh ben, ma foi, tant pis, je les ferai droguer toute la journée. Oh, faites une idée. S'il vous embête votre raseur, j'ai un moyen de vous en débarrasser. Je sonnerai, je vous ferai passer ma carte, et vous direz que c'est un raseur que vous êtes obligé d'en recevoir. Oui, c'est bon, ben, allez, allez, allez, allez, allez. Si vous êtes fatigué, dormez, hein. Il y a une chaise, non. Ouf, ça n'est pas sans peine. Ah, et dire que monsieur est médecin, qu'il ne profite pas de son privilège pour se débarrasser des gêneurs. Je croyais qu'il ne s'en irait jamais. Ah, à la place de monsieur, je le soignerai par les stupéfiants. Oh, non, alors ça, c'est trop d'émotions depuis ce matin. Je suis moulu, brisé. Je vais essayer de dormir pendant 1 heure. Veillez à ce qu'on ne me dérange pas. Bien, monsieur. Oh, c'est bon. Je sens que je ne tarderai pas. Et faudra-t-il réveiller, monsieur? Oui, demain. Bien. Ou après-demain. Et pas si je dors. Ah, bon. Bon. Alors, à ces jours-ci, monsieur. Hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pouf. Monsieur! Monsieur! C'est madame, votre belle-mère. Oh. Madame! Madame, c'est madame Aigreville. Oh, mes enfants, mes enfants. Maman! Oh, maman! Hein? Qu'est-ce que c'est? Une trompe? Ma belle-mère. Moi-même! Oh, mais que c'est bête de vous réveiller comme ça. Oh, ma fille! Mon gendre! Eh bien, vous ne m'embrassez pas? Comment donc? Mais j'allais vous le demander. Mais vous comprenez, la surprise, l'ahurissement, quand on s'est endormi sans belle-mère et qu'on en trouve une à son réveil, et il y a toujours un moment. Embrassez-moi, belle-maman. Ah, oui, mais ne me secouez pas trop, c'est parce que quand on vient de dormir... Vous venez de dormir? À peine. Ah, ben, ça se voit, vous avez la figure d'un homme qui a trop dormi. Allons donc, eh ben vrai, vous êtes physionomiste. Oh, mes enfants! Mes enfants, que je suis heureuse de vous revoir. Mais qu'est-ce qui vous prend? Elle a le retour mouillé, belle maman. Ne pleure pas, maman. Je ne pleure pas. Non, merci. Elle pleut. C'est l'émotion de vous revoir. Oh, ce cher Moulineau, il a maigri. Oh, il a maigri. Mais il est vrai que de ton côté, au contraire. Hein. Ah, Moulineau, le mariage a du bon. Pourquoi êtes-vous en habit noir? Vous allez à un enterrement? Oui, c'est pour vous. Hein? pour vous faire honneur. C'est-à-dire que monsieur a veillé un de ses malades, à un malade qui a une agonie chronique. Voilà. Vous êtes donc médecin de nuit, vous? Non, quand il y a des balles, des balades. Ouais. Un médecin se doit à ses balades. Vous êtes enrhumé? Un peu, oui. Oh, Yvonne, tu ne fais pas de tisane à ton mari? Mon mari n'a qu'à se faire soigner chez ses malades, dans ses consultations chorégraphiques. Oh, mais que tu es donc cacre avec ton mari. Oh, n'est-ce pas qu'elle est cacre? Horriblement cacre. Est-ce qu'il y aurait de la brouille? Non, mais il y a des gens qui se lèvent mal. Et d'autres qui ne se lèvent pas du tout. C'est pour moi, ça attrape. Là, calmez-vous. Ah, pour empêcher la discorde entre époux, il n'y a qu'une belle-mère. Eh oui, c'est un dérivatif. Monsieur, voici une carte que le monsieur de tout à l'heure me prie de vous remettre. Vous permettez de bassiner. Ah, non, par exemple. Répondez que j'en ai pour un mois. Oh, bah, il n'a qu'à être malade, celui-là. Je le soignerai. Qu'est-ce que c'est? Rien, mon barbier, un raseur. Ah, Étienne, entrez chez moi, vous trouverez ma robe de chambre, vous la prendrez et vous la porterez. Vous dites, monsieur? Vous la prendrez et vous la porterez. Oh, monsieur est bien bon. Je remercie bien, monsieur. Merci, monsieur. Je ne vois pas du tout en quoi je suis si bon de lui demander ma robe de chambre. Dites donc, vous savez que je suis là? Oh, lui, encore. Oh là là là là. Oui, là, rentrez. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Rien, c'est un malade. Allons donc. Pourquoi le chassez-vous? Il a une maladie contagieuse. Vraiment? Oui, oh, tout ce qu'il y a de plus contagieux, et une fois qu'on l'a, on ne peut plus s'en débarrasser. Oh, c'est pourtant un malade bien complaisant. Encore une pierre dans mon jardin. Décidément, il y a quelque chose. Il faut que j'interroge Yvonne. Mon cher Moulineau, laissez-moi avec ma fille. J'ai à lui parler. Oh, mais avec plaisir, quand ma femme est de cette humeur-là. Ah ça, qu'est-ce que tu as contre ton mari? Oh, maman, je suis bien malheureuse. Oh, mon Dieu, quoi donc? Mon mari a passé la nuit dehors. Vraiment? Et quand ça? Cette nuit même. Et peut-être beaucoup d'autres nuits sans que je m'en aperçoive. Comment sans que tu t'en aperçoives? Il me semble que ça se voit, surtout la nuit. Comment? Dame, où est votre chambre? Laquelle? La mienne? Enfin, la tienne, la sienne, enfin, la vôtre. Moi, je suis là, et mon mari, là. Hein? Comment, toi là, et ton mari, au bout de 6 mois? Oh, c'est comme cela depuis longtemps. Mais c'est un tort, un très grand tort. Vois-tu, la chambre commune, c'est la sauvegarde de la fidélité conjugale. Oui? Oui, c'est même ce qui fait la force des unions libres, ça. Mais ma chère enfant, mais c'est élémentaire, c'est mathématique. Pardon, madame. Oh, mon Dieu, le contagieux. Voulez-vous bien rentrer? J'aurais voulu parler à monsieur Moulineau. Oui, pour vous entendre encore avec lui, sans doute. Un joli métier que vous faites là, monsieur. Oui, allez vous coucher. Mais comment que j'aille me coucher? Quand on est malade, on se couche. Allez vous coucher. Ils ont quelque chose dans cette maison. Alors, vous direz à Moulineau. Oui, c'est bon. C'est bon, je dirai. Je vous remercie. Voulez-vous me permettre de vous baiser la main? Non, pas du tout. Mais voyez-vous ça? Allez, bonsoir. Bonsoir. Il est ennuyeux, mon gendre. Il devrait laisser ses malades chez eux. Alors, tu disais que ton mari a passé la nuit dehors. Tout ce qu'il y a de plus dehors, maman. Oh, que je suis malheureuse. Non, ne pleure pas. Explique-moi d'abord. Moulineau a découché. Oui. Pour qui? Pour qui? Dame, oui, un mari ne découche pas pour passer la nuit à la belle étoile. As-tu surpris quelque chose? Je ne sais rien. Seulement hier, j'ai trouvé ce gant dans la poche de son habit. Un gant de femme? C'est un indice. Et dans ses papiers? Oh, je n'y ai pas regardé. Non, pas regardé. Mais mon enfant, il n'y a pas d'autre moyen pour savoir ce qu'il y a dedans. Toutes les femmes le font. Voici ton mari. Laisse-moi faire. Ah non, j'espère que tout est au mieux. Belle-maman lui aura fait entendre raison. Moulineau. Mère de ma femme? Je n'irai pas par 4 chemins. Connaissez-vous ce gant? Si je... Oh, bien, mais ce que je l'ai cherché, celui-là... Ne pas touche! À qui est-il, ce gant? Hein? À qui? À moi? À vous. De cette taille-là? C'est pour rapetisser la main. Vous savez, en ramenant le pouce et en allongeant les doigts, comme ça... Allons donc, c'est un gant de femme. Mais ça a l'air, parce qu'il a été mouillé. Il a plus dessus, alors il a rétréci. Et la longueur? Mais précisément, il a rétréci et allongé. C'est l'eau. Il a gagné en longueur ce qu'il a perdu en largeur. Ça fait toujours cet effet-là. Ainsi, vous seriez mouillé. Allons, voyons, c'est marqué. 6,5. Neuf et demi, c'est l'eau qui a retourné le chiffre. Moulineau, vous me prenez pour une bête. Oh non, non, pas tant, pas tant. Voulez-vous que je vous dise? Vous êtes un mari abominable, vous vous conduisez comme un débauché. Moi? Oui, un débauché. Vous passez les nuits dehors et l'on trouve des gants de femme dans votre poche. Puisque c'est l'humidité. Ah, Moulineau, si vous trompiez ma fille, vous savez que vous auriez affaire à moi. Ah, mais permettez. Vous savez que vous êtes mariée. Oh, elle m'ennuie. Par conséquent, vous nous avez juré fidélité. Permettez, pas à vous. Vous savez que d'après le code, la femme doit suivre son mari. Par conséquent, nous vous suivrons. Oh, pardon, le code dit la femme, pas la belle-mère. Mais ce qu'il n'y a pas pensé. Gendre dénaturé, vous voudriez donc séparer une fille de sa mère? Allez, au diable! Hein? Vous êtes là à m'asticoter, après tout, je suis maître de mes actes, je n'ai de compte à rendre à personne, et vous me rompez la tête! Moi, je... Ah oui, là, là, allez vous promener! Oh, et l'on dit que ce sont les belles-mères qui commencent! Ah, tenez, vous me feriez croire que je suis trop dans cette maison! Oh, ça, il est certain que si vous devez être une cause de discorde... C'est cela! Vous me chassez! Vous me chassez de chez ma fille! Moi? C'est bien! Vous n'aurez pas à me le répéter deux fois. Oh, tenez, je... Oh, non, j'aime mieux me retirer. Cette femme-là, elle exaspérerait le président de la République. Tous les mêmes. Exactement mon pauvre mari avec ma sainte mère. Ah, mais non, je ne passerai pas la nuit ici. Dussé-je aller chercher un refuge à l'hospitalité de nuit. On n'a pas idée de faire poser des gens de la sorte. En attendant, je vais tâcher de trouver un appartement meublé. Hein? Vous cherchez un appartement? J'ai votre affaire. Le contagieux, encore. Ça la reprend. J'ai votre affaire. Un petit entresol très gentil à louer tout de suite. Tout meublé. Vraiment? Oui, à côté, 70 rue de Milan. Et c'est vous qui l'habitiez? Non, c'était une couturière. C'est même une histoire assez drôle. Figurez-vous que la couturière... C'est parfait. Savez-vous s'il est sain? Mon Dieu, ça dépend. Si c'est pour y loger... Dame. Non, c'est que quelquefois on le loue pour faire ses farces. Hein? Oh, ce n'est pas le cas. Enfin, vous savez, c'est ça, comme tous les appartements, tant qu'on n'y attrape rien. Après tout, je ne la connais pas, et c'est la belle-mère de Moulineau. Entre amis, il faut toujours se rendre service. Nous irons visiter aujourd'hui même. Oh, Dieu, si j'arrive à le causer. Oh, ça, je ne trouve pas ma robe de chambre, moi. Étienne ne me rapporte rien. Mon gendre, je lui cède la place. Oh. Il paraît qu'elle n'est pas calmée. Dites donc, elle vous rase la grosse. Vous ! Ah, bien. Eh bien, vous êtes le bienvenu. Tiens, c'est la première fois. Oui, j'ai réfléchi à ce que vous me demandiez. Quoi donc ? Je loue votre petit entresol. Oui ? J'aurais dû le mettre à l'enchère. J'en ai justement besoin. Je peux vous dire ça à vous. Qui êtes un homme discret. J'ai une liaison. Oh ! Platonique encore, avec une femme mariée où elle a été longtemps une de mes clientes. Qu'est-ce qu'elle avait? Rien, j'ai fini par l'en guérir. Et son mari? Qu'est-ce qu'il dit de tout ça? J'en sais rien, je ne le connais pas. N'importe. Votre entresol est de... 250 francs. Par an? C'est pour rien, je le prends. Eh là, pardon, 250 francs par mois? Vous m'augmentez déjà. Enfin, n'importe, c'est entendu, je le prends. Quand? Mais aujourd'hui même. Ah, diable, c'est qu'il est encore tous en dessous. Il y a toutes les affaires de la couturière. Parce que je vous l'ai dit, c'est une histoire assez drôle. Non. Figurez-vous que non, la couturière... Non, non, demain, l'histoire de la couturière. Oui, enfin, ça n'est pas arrangé. Oui, enfin, je m'en accommoderai comme ça. En attendant, vous le ferez mettre en état après. Monsieur, c'est Madame Aubin. Ah bon? Ah, eh bien, tenez, Bassinet, passez donc par là, vous allez préparer le bail. Hein? Étienne, dites monsieur... donc, il ne faut pas vous gêner. Hein? Ma robe de chambre. Vous avez ma robe de chambre, vous, alors? Madame, monsieur m'a dit de la porter. Je la porte. Ah bah, oui. Ah bah elle est forte, celle-là. Bon, c'est bon, laissez-nous. Bien, monsieur. Bonjour. Bonjour, mon ami. Ah, oh, vous voilà. Vous voilà, vilaine. C'est comme ça que vous m'avez fait poser à l'opéra. Mais mon cher, j'ai été désolée. J'avais espéré que mon mari irait de son côté, alors j'aurais été libre. Mais il m'a pas quitté de la soirée. Oui, je m'en suis douté. Mais depuis quelques jours, il m'accompagne partout. Ça lui prend par crise. Tenez, il est en bas en ce moment, qui m'attend en voiture. Il voulait monter, bon, je lui ai dit de rester. Ah, j'ai bien fait, je ne me soucie pas de faire sa connaissance. Ça me donnerait des scrupules. Ma chère petite Suzanne. Ah, oh, Moulineau, je suis bien coupable d'écouter vos déclarations. Mais non, oh, du si. Tout, mais ne croyez pas si, ça, si, ne si, croyez si. Pas ça, ne croyez pas. Mais il est trop tard maintenant, n'est-ce pas? Parfaitement. Ah, vous savez que c'est la première fois que ça m'arrive. Mais vous me l'avez déjà dit. Oh, cela me cause une joie exquise. Mais écoutez-moi, ici nous ne pouvons pas nous voir facilement. Les consultations sont un bon prétexte, mais enfin, qui n'est pas éternel. Ceux qui nous entourent finiront par remarquer la fréquence de vos visites. On jasera, et dame, on finira par découvrir la vérité. On comprendra qu'il n'y a pas là une cliente et son médecin. Mais deux cœurs qui s'aiment, deux âmes d'élite qui prennent leur envolée dans le pays du temps. Oui, ça éventera la mèche. Autrement dit, voilà. Eh bien, alors, si vous vouliez, nous pourrions nous voir aujourd'hui même, sur un terrain neutre. Un terrain? Oh, j'aimerais mieux un petit appartement, comme dans les romans de Monsieur Bourget. Justement, j'ai un petit entresol, 70 rue de Milan. Mmh. Et là, nous pourrions nous voir, aujourd'hui même. Oh. Il est tout meublé, à deux pas. La rue qui fait le coin. Oh, tenez, je suis tentée. Mmh. Oh, mais vous savez, en tout bien, tout honneur, hein, l'amour est erré. Tout le temps. Parce que vous savez, je suis fidèle à mon mari. Oh, si vous êtes fidèle à votre mari. Oh, mais qui oserait supposer le contraire? Bon, alors c'est entendu. Aujourd'hui même, dans une heure, rue de Milan, 70, oui. À l'entresol. Oh, c'est bien mal. Oh, mais vous savez, Moulineau, c'est la première fois que ça m'arrive. Oui, je sais. Elle consent, non, en amour. Quand elles s'y mettent, ce sont les femmes du monde qui font le moins d'embarras. Alors, je me sauve. Monsieur, c'est Monsieur Aubin. Oh, mon mari. Lui? Mais je ne veux pas le voir. C'est toi, mon ami, mais je descendais. Bon, mais là, je te rejoins. Un mot, docteur. Mmh. Tenez, prenez mon paletot, laissez-vous, mon ami. Mais... Et docteur? Docteur Étienne, oh, bah, ça, elle est bonne, celle-là. Mais mon ami... Chut, laissez-le, j'aime autant ça. Mais puisque j'étais en bas, je me suis dit, je vais monter pour vous consulter. Hein? Figurez-vous que depuis quelque temps, j'ai des saignements de nez, la circulation du sang qui s'arrête. Parfaitement. Hein? Oui, et bien, mettez la clé de votre salle à manger. Ah bon, vous tenez à la salle à manger? Ah oui, autant que possible, oui, la salle à manger. Prenez-la et mettez-la dans le dos. La salle à manger, bigre. Et restez une demi-heure, et même je dirais une heure, le nez et la bouche plongés sans les retirer, dans votre cuvette remplie d'eau. Hein? Et respirez. Respirez, pourvu que vous restiez le nez et la bouche dans l'eau. Voilà tout. Et ça guérit radicalement. Enfin, j'aime mieux autre chose. Regardez ma langue. Qu'en pensez-vous? Bon, je vais... La mienne est plus longue. Ah oui, et puis la vôtre est ronde et la mienne est pointue. Ça, docteur! Je ne suis pas le docteur. Comment, pas docteur? Mais non, enfin c'est tout comme, je suis son domestique. Un domestique? Et vous conversez avec moi? Oh, vous savez, je ne suis pas fier. Et puis je n'ai rien à faire. Alors... Oui, mais à qui ai-je donné mon paletot? Ah ben... Voilà, me voilà prêt. Voici votre bague. Ah, merci, mon ami. À propos, je ne vous ai toujours pas conté l'histoire. Figurez-vous que la couturière... Oui, plus tard. Maintenant, tout à la joie, je file. Pardon, docteur. Bon, l'autre à présent. Mais je ne suis pas le docteur. C'est un malade, oui, pardon. Voilà le docteur, oui. Monsieur, je suis resté pour vous faire mes excuses. Et vos excuses? Oui, à cause du paletot. Du paletot, oui. Il n'y a pas de quoi. Tenez! Permettez-moi de vous en raconter une bien bonne. Figurez-vous que j'avais pour locataire une couturière. Oui, parfaitement. Oui, je vous demande pardon, j'ai bien l'honneur. Il s'en va aussi? Oh, le domestique. Étienne, je vais vous en raconter une bien bonne. Mais c'est que j'ai là à l'office... Oui, figurez-vous que la couturière avait pour protecteur... Il est parti. Oh. Au fait, ce ne sera pas long. Figurez-vous que la couturière avait pour protecteur. L'entresol de la rue de Milan. Voyons. L'entresol, c'est bien ici. Tiens. Mais la serrure a détraqué. Oh, bah, c'est agréable. Ah, bah, la porte ne ferme pas. Faudra que je dise à Bassinet de faire réparer cela. Oh, une dame. Madame. Oh non, c'est un mannequin. C'est juste l'ancien appartement d'une couturière. Bassinet m'a prévenu. Eh bien, j'arrangerai tout cela. C'est très gentil, tout de même, une fois débarrassé. C'est égal. C'est mal ce que je fais. C'est très mal. Enfin, quand on a comme moi une femme charmante. J'ai des remords. J'ai des remords. Mais je ne les écoute pas. Moi. Suzanne. Tiens. Ça ne ferme pas. Non, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Je vais mettre une chaise contre la porte. On peut entrer, il n'y a pas de danger. Mais quel danger voulez-vous? Ah, oh, c'est que si on nous voyait, je serais bien coupable. Charmante morale. Nous sommes absolument seuls, ma Suzanne. Venez là, prenne-moi là. Mais non, mais ne tremblez donc pas ainsi. Oh, mais ça passera. Mais mon mari, qui a été soldat dans la réserve de l'administration, dit que les plus braves tremblent toujours au premier feu. Et puis ça passe. Ah, eh bien, il dit que... Eh bien, vous voyez. Alors, voyons, débarrassez-vous de votre chapeau. Oh non, non, c'est impossible. Je ne peux rester qu'un instant avec vous. Anatole est en bas. Ben, il n'aurait qu'à monter. Anatole? Eh oui, mon mari, il a tenu encore à m'accompagner. Comment? Mais alors, vous lui avez dit que... Ben oui. Mais c'est très bête, ça. Ça ne se fait pas, ces choses-là. Je lui ai dit que j'allais chez mon couturier. Comme je savais que c'était justement l'ancien logement d'une couturière, alors cela m'a suggéré l'idée que... Oh, ouf! Vous me retirez un poids. Ça m'ennuyait bien qu'il m'accompagnât, mais lui refuser eût été lui donner des soupçons. Mmh. Et puis d'un autre côté, je ne voulais pas vous faire poser. Mmh. C'est gentil, hein? Ah, bien, je crois bien, cette chère Suzanne. C'est égal, l'idée qu'Anatole est en bas, moi, ça me glace. Cette chère Suzanne. Vous l'avez déjà dit, mon ami. Vous croyez? C'est possible. Cette chère Suzanne. Ça fait quatre. Ça fait quatre, parfaitement, cette chère... Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Oh, dites-moi. Oh, dites-moi, ce n'est pas une grande folie que je fais. Mais non, mais non. Oh, vous savez que c'est la première fois. Mais oui, je sais. On n'a pas idée de ce que ce mari me gêne. Il me semble que je roucoule au-dessus d'un précipice. Eh bien, mon ami. Êtes-vous heureux? Moi, genre, mais comment donc, si je suis heureux? Mais comment donc? Comment donc? Comment donc? Comment donc? Comment donc? C'est égal, hein, c'est cher ce petit appartement. 250 francs par mois. Mais à quoi pensez-vous donc? Moi, à rien. Oh, si, à vous. À vous. Je vous trouve froid. Oh, je suis sûre que vous me méprisez. Oh, oh. Suzanne, pouvez-vous dire ça? Mais je voudrais passer ma vie à vos genoux. Oui, oh, vous dites ça. Bah, et... Tenez, la preuve, je suis à genoux. Qu'est-ce que c'est? Bon, je jette tout par terre. Le mari, Anatole, on n'entre pas. Comment on n'entre pas? Je veux dire si, entrez donc. Ah ben, je vous remercie, c'est déjà fait. Je m'ennuyais en bas, alors j'ai eu l'idée de monter. Oh, mais c'est une idée excellente, excellente. Je me disais justement s'il pouvait avoir l'idée de monter. Mais je ne vous dérange pas, vous avez fait comme si je n'étais pas là. Ah, c'est facile à dire, cela. Vous étiez en train de prendre les mesures à ma femme, j'ai vu ça. Oui, mais parfaitement, monsieur. Monsieur était en train de me prendre le tour de taille. En effet, oui, la taille, le tour de taille. 110 de tour de taille. Comment 110? 52, voyons. Ouais, ouais, 50, ah, parfaitement, parfaitement, parfaitement. Seulement, je vais vous dire, ça, c'est une habitude des grands couturiers. Tout est compté double. Ah, même les factures. Ah non, les factures, c'est le triple. Oui, non, non, mais non, c'est ce qui nous distingue des petits couturiers. Et puis enfin, vous savez, comme ça, 100 mètres à vue d'œil, vous n'auriez pas un mètre sur vous? Non, je ne crois pas, mais vous n'avez pas ça, vous? Non, non, enfin, c'est-à-dire, si, j'en ai trop, ils sont à l'atelier, enfin, dans mes ateliers, les vastes ateliers. Très original, ce couturier. Mais dites-moi donc, monsieur, comment donc déjà, monsieur... Monsieur... Machin. Monsieur Machin. Machin, monsieur Machin... Attendez, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part, moi. Ah ben oui, machin, c'est assez répandu, oui. Nous sommes beaucoup de machins. Oui, oui, mais non, mais au fait, votre figure ne m'est pas inconnue. Où donc vous ai-je vu? Je ne sais pas. Oh, pourvu qu'ils ne me reconnaissent pas. Sans doute dans un endroit public, dans un monument. J'y vais beaucoup, oui, au Panthéon. Panthéon Courcelles. Non, ah non, ça y est, je sais, chez Moulineau, le médecin de ma femme. Je vous ai entrevu, oui. Ah. Vous faites bien soigner chez Moulineau. Oh, si peu, vous savez, ça ne compte pas. Oui, bon, vous avez raison, c'est un charlatan. Eh ben, mais dites donc. Bah, quoi, qu'est-ce que ça vous fait? C'est que... c'est mon médecin, moi, je lui porte intérêt. Bon, après tout, je m'en moque. dites-moi, alors, qu'est-ce que vous faites à ma femme? Moi, rien, surtout ne croyez pas. Comment, rien? Enfin, c'est-à-dire, si. Ah, bon. Une... Une polonaise. En tulle, avec des bouillonnés, en fourrure, ornée de jets sur le pantalon. Quel pantalon ? Moi, quel pantalon ? Ah, le pantalon du dessous, on ne le voit pas. Ah, oui, ça doit être curieux, ce mélange-là, des bouillonnés de jets sur le pantalon. Ouais. Enfin, défie-toi l'excentricité, Suzanne. Vous n'avez pas un modèle ? Un modèle ? Si, j'en ai des masses. J'en ai des masses, mais on ne peut pas les voir. Ils sont dans les ateliers. Dans les ateliers, mes modèles. Vous comprenez la concurrence, on n'aurait qu'à les souffler. Alors, on ne peut pas les choisir ? Les choisir, si, mais pas les voir. Il ne va pas s'en aller. Hein? Bonjour, messieurs, madame. Une femme ? Mais qu'est-ce que c'est que celle-là ? Madame Durand n'est pas là. Madame Durand ? Non, elle n'est pas là, madame Durand. Oh, c'est que j'aurais voulu la voir pour ma facture. La facture ? Quelle facture ? Mais la facture des toilettes que Madame Durand m'a livrée. Ah, parfaitement, Madame Durand, c'est la couturière. Mais vous ne la connaissez donc pas ? Comment donc ? Mais si fait, mais si je la connais. Mais cette bonne Madame Durand, c'est mon associée. En Bassinet aurait pu me dire qu'elle n'avait pas amené sa clientèle. Ce sera gai, s'il en vient beaucoup comme ça. Oh bien, si vous êtes son associée, je vais m'adresser à vous. Je suis Mademoiselle Pomponnette. Ah, il n'y a pas de mal à ça. Je voudrais que vous me fissiez une diminution sur ma facture. Vous me comptez beaucoup trop cher. Comment donc, mais tant que vous voudrez, pour ce que ça me coûte, ça la fera filer. Tenez, mais voyez, 340 francs, mais c'est énorme pour la petite toilette que vous m'avez faite. Vous savez bien, la toilette en crêpe de Chine. Parfaitement, en crêpe de Chine, mais je la vois, votre Chine. Mais c'est hors de prix. Ah, ça c'est vrai, c'est hors de prix, du vulgaire crêpe, c'est indécent. Qu'est-ce que vous voulez que je diminue sur 340 francs ? Je ne sais pas, moi, mais il me semble que 300 francs, c'est suffisant. Mais je crois bien, alors nous disons que nous supprimons 300 francs, reste 40, c'est bien ce que vous voulez. Comment ? Mais vous vous trompez ? Mais non, je suis rond à l'affaire, moi. Oh, bien. Oh, je vous remercie. J'aurais jamais cru qu'on me diminuerait tant que ça. Faut-il qu'ils soient voleurs tout de même, tous ces gens-là, pour faire des rabais pareils. Au revoir, monsieur. Je reviendrai. Oh non, c'est pas la peine. Oh, sapristi, 1h30, je m'en vais aussi. Rosa m'attend, je n'ai que le temps. Je vous laisse ma femme, occupez-vous d'elle. Faites quelque chose de distingué, puis moulez bien. Prenez-lui bien les hanches, la poitrine. Comment, mais c'est lui qui... Allez, au revoir. Parti, ouf. Oh, mon ami, nous sommes dans Baudra. Mais qu'allez-vous faire ? Ce que je vais faire, mais je m'en vais filer d'ici. Et je vous jure que pareille chose ne m'arrivera plus. Mais vous n'y pensez pas ! Mais vous ne le pouvez pas ! Comment je ne le peux pas ? Mais pourquoi donc ça, s'il vous plaît ? Mais parce que mon mari vous croit mon couturier et qu'il peut revenir ici. Enfin, s'il ne vous trouve pas, il comprendra la vérité. Oh, et je le connais, il vous tuera. Hein ? Mais il n'en a pas le droit ! Il n'est pas médecin ! Oh, Suzanne, dans quel pétrin nous sommes-nous mis ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Bah faites donc attention ! Voilà une manière d'entrer ! Dame, pourquoi vous asseyez-vous contre la porte ? Aussi, pourquoi ne ferme-t-elle pas votre porte ? Vous louez des appartements tout disloqués. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous ai prévenu. Il y a une heure que je voulais louer et j'ai pas pu mettre en état. Enfin, on a des serrures qui ferment, c'est élémentaire. On entre ici comme dans un bois, c'est insupportable. Le premier imbécile venu... Oh ! Qui ? Mais n'importe, vous ! Moi, ça n'a pas d'importance. Enfin, j'écrirai au serrurier. Ah oui. Je vais vous dire, j'avais dû faire forcer la porte après le départ de ma locataire l'autre jour. Après quoi, le serrurier est parti pour aller déjeuner. Et il n'est pas encore revenu. Ah. Mais il reviendra. Ah. À part ça, vous êtes content ? Ah oui, je vous conseille d'en parler. Mais je vous demande pardon. Je ne suis pas seul. Oh, je vous demande pardon, je n'avais pas vu madame. Oh, mais madame, vous n'êtes pas trop, je n'ai point de secret à dire. Que ma présence ne vous fasse pas partir. Non, mais il est trop bon. Oh, quel sangsue, il ne manquait plus que lui. Pardon, madame Durand, s'il vous plaît. Encore ? Ah non. C'est trop fort. Mais c'est que je venais pour ma jaquette. Oui, eh ben, pas aujourd'hui, à dimanche. Qu'aime ça me fait, moi, votre jaquette ? Oh, ben c'est bien, je ne paierai pas, ça m'est égal. Et à moi, donc ? Oh, ben ils sont aimables avec les clients, au moins, dans cette maison. Ouais, adieu. Ben dites donc, et lui, là, il va pas s'en aller ? Eh ben attendez, je vais l'expédier. Oh, mon cher, je viens d'avoir une rude émotion. Figurez-vous que je croyais être sur la piste de ma femme. On m'avait indiqué une madame Bassinet rue Bréda. Oui, eh bien, vous me raconterez ça plus tard. Non, mais laissez donc, madame, n'est pas trop. Figurez-vous que ce n'était pas elle, mais une inconnue. Je lui ai dit, je vous demande pardon, mais je pensais trouver une dame. Elle m'a répondu, mais comment donc, monsieur, comment la voulez-vous ? C'est une veste ? L'entresol, c'est bien ici. Oh ! Ma belle-mère à présent. Oh, encore quelqu'un ? Oh, ça, c'est une gageure. Oh, le contagieux ! Je viens pour visiter votre entresol. Diable ! C'est que je vais vous dire, il est loué. Loué ? Mais comment ? Vous m'avez dit... Oh, tiens, mon gendre. Lui-même, belle maman. Que faites-vous ici? J'ai le droit de le savoir. Ah, oh, mais... Vous refusez de parler? Prenez garde, j'ai le droit de supposer des choses. Eh bien quoi, je suis chez madame, une cliente, une malade. Hein? N'est-il pas vrai, madame, que vous êtes ma cliente? Oh, mais je n'en ai jamais douté, chère madame. Et puis-je savoir, madame, ce qui me vaut l'honneur? Mon Dieu, madame, excusez-moi, j'étais en quête. Ah, mais ceci est autre chose. Les dames patronesses sont les bienvenues auprès de moi. Tenez, voici 5 francs. Hein? Elle me donne de l'argent? Vous n'avez pas honte de vous faire donner de l'argent dans les maisons? Voyez-vous ça, la vieille carottière? Mais je n'ai rien demandé. Reprenez ça, madame. Je ne suis pas en quête de 100 sous. Je suis en quête d'un appartement. Oh, pardonnez-moi, madame. Eh bien alors, vous présentez-nous. Hein, il faut que... Madame Aigreville, ma belle-mère. Madame Aubin, madame Suzanne Aubin. Suzanne Aubin? Oh, mais j'ai beaucoup entendu parler. Et ces messieurs vont bien? Quels messieurs? Les deux vieillards. Monsieur est sans doute un des deux. Mais vous commettez un anachronisme épouvantable. Oh, pardon. Madame, je le retire. Ainsi, c'est mon gendre qui vous soigne. Mon Dieu, oui, voyez, oui. Et mon mari aussi. Oh, ça me fait bien plaisir. Qu'est-ce qu'il a, monsieur votre mari? Un eczéma. Un eczéma, un petit gineux compliqué de desquamation de l'épiderme. Vous savez, des suites de couches. Hein? Des couches, lui? Par lui, sa femme. Hein? Moi? Comment, madame, vous êtes mère? Mais du tout, madame! Mais non, pas elle, lui! Comment Non, enfin, son mari, non. Comprenez-moi bien. Son mari se l'était figuré. Alors, quand il a appris que non, n'est-ce pas? Eh bien, alors, l'émotion, le trouble, son sang n'a fait qu'un tour. Un petit tour. Enfin, il a eu un eczéma. Alors, voilà. Ouf. Et maintenant, belle maman, si vous voulez me laisser à ma consultation... Oui, parfaitement, je vous quitte. Si ma fille venait, vous lui diriez que je suis partie. Entendu. Au revoir, chère belle maman. Oh, mais ne soyez pas si aimable. Je n'oublie rien. Seulement, je sais me tenir devant le monde. J'aurai soin d'en inviter toujours beaucoup, belle maman. Tenez, par là. Au revoir, chère madame. Au revoir, madame. Oh. Allons bon, le mari. Quoi? Votre mari qui revient. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Rien, entrez là avec madame. Oh. Il faut que j'entre aussi. Non. Tenez, vous allez recevoir ce monsieur. Eh? Il me demandera, moi, monsieur Machin. Okay. Oui, parce que c'est pour lui, je suis monsieur Machin. Oui, enfin, vous lui direz n'importe quoi. Que je suis occupé, que je suis en conférence avec la reine du Groenland. Si vous voulez. Enfin, ça m'est égal, mais que je ne le vois pas. Entendu. Hein? C'est un raseur. Connais ça. Moi aussi. Décidément, il a un grain. Il faudra faire voir le docteur à un médecin. C'est moi. Tiens, monsieur Machin n'est plus là? Non, monsieur Machin n'est pas visible. Ah, le docteur. Précisément, le docteur. Vous savez donc? Alors pourquoi se fait-il appeler monsieur Machin? Non, il n'est pas visible. Ce cher docteur. Oui, ce cher docteur. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Ah, mais c'est vrai, au fait, M. Machin va souvent chez vous. Il m'a parlé de vous tout à l'heure encore. C'est vous qui le soignez. Je le soigne. Parce qu'il me soigne. J'entends, parbleu. Vous n'êtes pas gratuit. Oui, je ne... Qu'est-ce qu'il raconte? Alors, dites-moi. Alors, il est malade, Monsieur Machin? Ah, vous l'avez remarqué aussi. Je crois qu'il doit avoir un petit hanneton dans le cerveau. Ah, eh ben, je m'en doutais. Alors, vous lui recommandez quoi? Des douches? Oh, je lui recommande... Non, laissez mon paletot. Hein? Je lui recommande... Non, parce que ça ne me regarde pas. Mais entre nous, ça lui ferait du bien. Je le crois. Mais puisque je vous tiens, dites donc, je suis très vif, vous savez, très chaud. Tant mieux. Bien, j'ai la circulation du sang qui s'arrête. J'ai des engourdissements. Ah, tant pis. J'en causais dernièrement avec votre domestique. Ah, vous connaissez mon domestique? Oui. Lequel? Joseph ou Baptiste? Je ne sais pas. Il me conseillait des choses impossibles. Mon cher, pour moi, il n'y a que le massage. Mais j'ai essayé, ça n'a pas réussi. C'est que vous ne savez pas vous y prendre. Vous choisissez un masseur, n'est-ce pas? Oui. Bah, vous le faites déshabiller. Ah. Vous l'étendez sur un divan et vous le massez de toutes vos forces pendant une heure. Tiens. Après ça, si votre sang ne circule pas, je veux que le loup me croque. Eh ben voilà. Moi, je m'y étais toujours pris à l'envers. Je vous remercie. J'essaierai. Bon, mais ce n'est pas tout ça. Alors, on ne peut pas voir, monsieur Machin? Ah non. Il est en conférence. Ah? Avec la reine. Oui. Avec la reine du Groenland. La reine du... Comment vous avez dit? La reine du Groenland. Oh là là là là là là là. La reine de... Mais il est calé, ce couturier-là. Il habille des reines. Il doit être d'un cher. Donc, si vous voulez revenir un autre jour... Je ne peux pas. Je lui annonce une cliente, à monsieur Machin. Madame de Sainte-Anigreuse, une amie à moi. Oui, elle a voulu que je la menace chez le couturier de ma femme. Bah, c'est une idée à elle. Alors, je l'ai précédée ici parce que je ne tiens pas à ce qu'elle se rencontre avec ma femme. C'est pourquoi je viens voir si elle est partie. C'est votre femme qui était là tout à l'heure. Oui. Et il vous l'a laissé venir comme ça, toute seule. Oh, mais ne craignez rien, je l'ai accompagnée. Oh, bien alors. Non, mais dites-moi, mais est-ce que vous croyez qu'il en a pour longtemps, ce couturier, avec sa reine? Dame, vous savez, c'est que c'est une reine... une forte reine. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis attendue, je m'en vais. La voix de la belle-mère. Diable, je ne veux pas qu'elle m'échappe. Je vais l'attendre dans l'escalier pour tâcher de lui craser mon troisième. Mais dites-moi, docteur, il... Mais où est-il? Docteur! Il est parti. Alors, voilà un type. Alors, je m'en vais. Je ne sais pas ce qu'ils ont à me retenir. La reine. Messieurs, la cour. Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? Monsieur? Altesse. Vous dites? Rien. Je m'incline devant votre majesté. Ma majesté? Il me trouve majestueuse. Et puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Théodore Aubin. Oh, le mari de Madame Aubin, que j'ai vu tout à l'heure. Une femme charmante. Et votre eczéma, comment va-t-il? Plaît-il? Je dis, votre eczéma, comment va-t-il? Alors, je vous demande pardon, je n'ai pas d'eczéma. Excusez-moi. J'ai eu tort de lui parler de son eczéma. Ça a l'air de lui être désagréable. Deuxième impair. Je vois, monsieur, que j'ai fait un anachronisme, comme dit mon gendre. Je le retire. Un anachronisme. Il n'y a pas d'anachronisme là-dedans. Vous êtes trop indulgent. Alors, je ne suis pas fâchée d'avoir vu le mari. Monsieur. Altesse. Oh, alors, elle est très bien, la grosse reine. Qu'est-ce qu'il dirait ça, tout de même, à la voir comme ça? Elle a l'air d'une bonne petite mère, et puis pas fière. Ah, vous voilà. Oui, encore là? Non, Suzanne, rentrez. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi, ma femme est partie. Et, oh, depuis longtemps, oui. Elle m'a dit, si mon mari vient, dites-lui que je suis au Louvre, si vous voulez la retrouver. Non, au contraire, non, ça va très bien comme ça, parce que je vais vous dire, il y a une dame de mes amis qui doit venir me reprendre ici. Ici? Oh, ça, il donne ses rendez-vous chez moi. Et j'aimerais autant qu'elle ne se croisât pas avec ma femme. Oh, parfaitement. Une intrigue. Une petite intrigue. Il est donc inutile que ma femme... Oui, elle n'aurait qu'à vous infliger la peine du talion. Ah non, impossible. Ah. Voilà, c'est que je l'ai à l'œil, moi. Hein, toute ma vie, j'ai eu des intrigues avec des femmes mariées. On ne m'en compte pas, moi. Je les connais toutes. Ah, vous les... Toutes. Je ne suis pas comme un tas d'imbéciles de maris. Ah. Oui, figurez-vous. J'en ai connu un qui accompagnait sa femme à tous nos rendez-vous. Elle disait qu'elle montait chez la somnambule. Ah. C'était moi, la somnambule. Et le mari attendait en bas. Le fait est qu'on n'est pas bête comme ça. D'ailleurs, ma femme ne s'y frotterait pas. Elle sait très bien que dans un flagrant délit, je n'hésiterais pas. Un duel? Non. Un duel, non, je ne sais pas me battre, non. Mais je tirerai dessus. Toutes les fois que je le rencontrerai, pam, pam, je le tuerai. Il me donne le frisson. D'ailleurs, ce n'est pas pour vous parler de ça que je suis venu. Monsieur Machin. Monsieur Machin. Ah, oui. Monsieur Aubin Monsieur Machin, vous allez être rudement content. Oui, monsieur. Ah, vraiment, je... Oh, il me fait peur. Bon, savez-vous ce que je vous amène? Non. Une cliente. Une cliente? Pour quoi faire? Pour lui faire des robes. Hein, encore? Eh ben, elle est jolie, votre idée. Ah oui, je n'en ai que le... comme ça, moi. Ah, bien merci. Vous voyez donc, je n'ai que ça à faire, moi. Eh bien, et ma médecine... Oh. Quoi, votre médecine? Mais est-ce que ça vous empêche de vous purger, ça? Hein? Bon, enfin, on n'a jamais vu un commerçant se plaindre d'avoir trop de clientèle. Je ne vous dis pas. Mais ce n'est pas parce que vous faites des robes à des têtes couronnées. Moi, je fais des robes à des têtes. Bah, enfin, êtes-vous couturier, oui ou non? Hein? Moi? Mais je crois bien que je suis couturier. Merci, si je ne l'étais pas, il me tuerait. C'est encore moi. Je viens voir si vous êtes moins occupé. Pour ma jaquette. Hey, commandant, madame, entrez donc. Ah, si je suis couturier, moi, ah, bien. Tiens, il est aimable. Vous permettez, monsieur? Mais faites donc, madame. Vous voyez, ce corsage me va très mal. Il plisse. Ah oui, il plisse énormément. Mais c'est beaucoup trop large. C'est sans doute vous qui l'avez coupé. Il faudrait que vous me le recoupiez. Moi? Mais oui, et tout de suite, parce que c'est pressé. Il faut que je coupe. Eh ben oui, qu'est-ce qui vous arrête? Ah bon, mais rien du tout. Ah, vous voulez que je coupe? Eh ben, attendez. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, mon Dieu? Ah, mon Dieu, qu'allez-vous faire? Mais c'est précisément ce que je... Mais c'est vous qui voulez que je coupe. Mais non, vous avez vu ce qu'il y a à faire. Vous l'enverrez prendre. Bon. Ah, seulement, je ne demeure plus où j'habitais. Ah bon? Non, je demeure un étage au-dessus. Au revoir, messieurs. Ah, ouais, merci du renseignement. Oh, non, mais a-t-il l'air assez ahuri? Dis donc, vous savez ce qu'on m'a dit pour vous? Vous devriez prendre des douches. Moi? Qu'est-ce qui a dit ça? Moulineau. Moulineau? Oui, le docteur Moulineau, que je quitte à l'instant. Ah, vous le quittez Vous êtes malade, vous? Pourquoi? Parce que j'ai vu le médecin, ce n'est pas une raison, ça. Non, je l'ai rencontré par hasard. Ah, alors j'en ai entendu de fortes, mais comme celle-là, jamais. Ah, vous voilà. Ah, bonjour, cher ami. Sapristi, et sa femme qui est toujours là. Ça, voici madame de Sainte-Anigreuse dont je vous ai parlé. Enchantée. Rosa Pichenette. Chic et beau. Je vous amène là une cliente digne de vous, madame de Sainte-Anigreuse, et de la plus haute aristocratie du boulevard Saint-Germain. Et il m'a reconnu. Il faut absolument que je lui parle. Oui, mon ami, en effet, mais voyez donc mon chien entre ses oreilles. Hein? Ça signifie qu'il a des velléités de descendre. Allez donc le promener. Je vous montrer tout à l'heure. Non, c'est humiliant. Vous dites? Non, je dis immédiatement. Oh non, promenez le roquet. Rosa n'a aucun attaque. Chic et beau! Rosa Pichenet! Comment on se rencontre dans la vie, toi que j'ai connue au quartier latin? Oui, je faisais ma médecine. Alors, tu l'as passé, ce fameux doctorat? Comme tu vois. Et tu t'es mis couturier? Oui, c'est pour me singulariser, tu comprends? Pour un médecin, faire son métier, c'est banal. Tandis que pour un couturier... C'est beau, chic et beau! Je suis pas si fort. Suzanne qui est là. Est-ce qu'il y a un malade dans la maison? Non, mais tu n'as pas besoin de crier comme ça, de m'appeler tout haut chic et beau. Je ne suis plus chic et beau maintenant. Moi aussi. Oui, je suis toujours chic et toujours beau, mais je ne suis plus chic et beau. Hein? T'es bon au quartier latin, maintenant je suis un homme sérieux, établi. Mais je ne t'ai jamais connu que sous ce nom-là. Comment t'appelles-tu? Moi, Moule... Machin. Je m'appelle Machin. C'est idiot ce nom-là. Ben, qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut. Eh bien, moi, si tu n'es plus chic et beau, je ne suis plus Rosa Pichenette. Je suis madame de Sainte-Anigreuse. Tu t'es rangée? Quasi tout au plus. D'abord, j'ai commencé par me marier. Toi? Oui, j'ai épousé un serin. Tu n'avais pas besoin de le dire. Aussi, une fois ma position régularisée, après 2 jours de lune de miel, je l'ai planté là, pour un général. Fiste, un général. Oh, c'est rare, un général. Où l'as-tu trouvé? Au jardin des Tuileries, pendant que mon mari était allé allumer une cigarette chez un marchand de tabac. Tu m'as déjà raconté une histoire comme celle-là. Seulement, c'était un cigare. Sapristi. Suzanne, que j'oubliais. Elle s'impatiente sur le dos du mobilier. Mais qu'est-ce qui a fait ce bruit? Rien. Tu as un animal chez toi? Oui, j'ai un animal. Oui, une autruche qu'on vient de m'envoyer d'Afrique. Ouf, la voix! À cause des plumes. Attends, impossible. Elle n'aime pas le monde, cette bête, là. Mais dis-moi, à propos de bête, et ton mari, tu ne l'as pas revu? Oh, non, jamais, merci. Il m'a lancé, voilà tout. Une fois lancé, j'ai pris le nom de madame de Sainte-Anigreuse. Ah ben dis donc, elle va bien, ton autruche? Oui, pas mal, et toi? Attends, je vais aller lui dire un mot. À l'autruche, mais ça servira à grand chose. Je vais toujours essayer. Oh, ça ça, dites donc, alors vous vous moquez du monde. Suzanne, eh ben il manquait plus que ça. Là. Encore une personne? Ah, ça c'est trop fort. Mais qui est cette dame? C'est la caissière, elle a une maladie de nerfs. Ne fais pas attention. Je vous en prie, calmez-vous, Suzanne, pas de scandale. Il fallait me dire que vous vouliez me faire une mystification. Il fallait me dire que vous étiez avec votre maîtresse. Hein? Oh, mais madame, pour qui prenez-vous? Sachez que je suis une cliente, je viens me commander une robe. Oh, c'est pas à moi qu'il faut la raconter, celle-là. Hein? Comment? Mais je vous assure que... Vous aussi? Oh, eh bien, mon ami, vous avez de l'aplomb. Mon cher, quand on est l'amant de sa caissière, la première chose est d'éviter à ses clientes des avanies pareilles. L'amant de la caissière, à mais présent. Mais où ça? Mais quelle caissière? Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Mais rien, rien, elle ne s'occupe pas de vous. Je suis une femme comme il faut, monsieur est mon couturier. Encore? Oui, encore. Et la preuve que monsieur n'est que ça, c'est que je suis venue avec mon époux. Votre époux? Ah, je voudrais bien le voir. Mais vous le verrez, il est en bas, qui promène le chien. Oh là là là là. Et tenez, tenez, très longtemps. Mais arrivez donc, montrez-vous. Voilà madame qui ne veut pas croire que vous êtes mon époux. Mais comment donc, je... Oh, ma femme! Mon mari! Baum! Oh, mon mari! Oh, ça, je me vengerai! Suzanne, Suzanne, oh. Prenez donc votre chien, vous! Anatole! Oh, allez au diable! Insolent! Oh, oh, les nerfs! Oh, les nerfs! L'émotion! Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, elle se trouve mal. Rosa, Rosa, Rosa, pas de bêtises, pas de bêtises. Ma mère doit être encore là. Oh, mon Dieu, ma femme! Mon mari! Et une femme dans ses bras! Adieu, monsieur, je ne vous reverrai jamais de ma vie. Non, mais Yvonne, voyons. Non, monsieur, je n'écoute rien. Attends-moi, je veux t'expliquer, Oh, cette femme, où l'a déposée? Où? Cher. Ah, ben, vous arrivez bien, tenez, gardez madame. Yvonne. Oh, ça, qu'est-ce que c'est? Ciel, ma femme. Mon mari. Oh. Etienne. Monsieur. Qu'est-ce qui a sonné? Oh, c'est rien, monsieur. Comment rien? Non, c'est un malade qui venait pour une opération. Il m'a demandé si monsieur y était, je lui ai dit que oui. Alors il m'a dit que ça lui faisait plus mal. Et il est parti. L'imbécile. Ben alors, quand c'est personne, on vient dire monsieur c'est personne. Ah, je pensais que c'était inutile. On sait bien, allez. Ah, monsieur est soucieux. Oui. Oh, je comprends ça. Je l'avais bien dit à monsieur, voilà une nuit de bal à l'opéra qui ne lui aura pas porté bonheur. Aussi, étant donné qu'on fait les choses, monsieur, il faut les faire proprement. Hein? Mais oui, monsieur aurait dû me dire, Étienne, je vais au bal, et je me serais mis dans le lit de monsieur. Dans mon lit? Oh oui, oh monsieur ne me dégoûte pas. J'aurais changé les draps, voilà tout. Et les apparences auraient été sauvées. Non, mais où peut être ma femme? Ah oui. Oui, c'est ce que nous demandions tout à l'heure à l'office. Dans une heure, il y aura 24 heures qu'elle aura quitté le domicile conjugal. Oh. Oh, monsieur, si ça pouvait s'arranger. Hein. Tâchez que ça s'arrange. Ah. Oh, si, monsieur, pour moi. Monsieur Frabin, ça pour moi. Je déteste quand on broie du noir autour de moi. Je suis une sensitive, monsieur. Alors, je broie aussi et j'aime pas ça, monsieur. Ah. On a sonné? Oui, ça ne fait rien, monsieur. Comment ça ne fait rien? Non, on n'entrera toujours pas sans que j'ouvre. Alors, c'est convenu pour oui, moi, oui, monsieur. Oui, ben c'est bon, ben allez, oh, ouvrez. Merci, monsieur. Oui, bon, merci. Oui, bon, c'est entendu. Et vous savez, oui. Hormis ma femme, hein, je n'y suis pour personne. Personne? Quand ce sera le pape? Personne. Bien, monsieur. Non. Ah, non, monsieur n'est pas là. Comment allons-nous? Mais le concierge m'a dit qu'il y était. Ah ben, et moi, c'est monsieur lui-même qui vient de me dire qu'il n'y était pas. Il doit le savoir mieux que le concierge. Oui, eh ben, dites-lui que c'est monsieur Aubin. Il m'a dit quand ce serait le pape. Et vous n'êtes même pas le pape. Non, mais j'ai absolument besoin de le voir à cause de ma femme. Oui, eh bien, lui, il ne veut voir personne à cause de la sienne. Tiens, pourquoi cela? Ah, ça, monsieur, ce sont des choses qui ne doivent pas sortir de la maison. Ah oui, les secrets des maîtres, ça ne regarde qu'eux, et les domestiques. Et moi, vous savez, la discrétion même. Vous viendriez me dire, par exemple, Étienne, est-ce vrai que ça branle dans le ménage depuis quelques jours, que monsieur a passé l'autre nuit dehors? Est-ce vrai que cette nuit, chose bien plus grave, c'est madame qui n'est pas rentrée et qu'on l'attend toujours? Je vous répondrai non, non, non, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Ah, madame Moulineau n'est pas rentrée au domicile conjugal. Ah, comment le savez-vous? Hein? Eh bien, vous venez de me le dire. Moi? Il a de l'aplomb. Pas rentrée. Ben, c'est comme ma femme. Après le scandale d'hier, je ne l'ai pas revue. C'est incroyable. La dame de monsieur aussi. Ouais. Il paraît que c'est contagieux, alors. Mais oh, mais ça ne peut pas durer, ça. Je sais qu'elle doit venir aussi. Ai-je eu l'idée de venir ici? Je sais que c'est vers ces heures-là qu'elle doit aller chez le docteur. Ah oui, mais vous savez, pour votre dame, comme pour tout le monde, aujourd'hui, c'est porte close. Tant que monsieur n'aura pas retrouvé madame. On a sonné. Je vous demande pardon. Je vous en prie, monsieur. Ah, il n'y a pas à dire, il faut que j'aie une explication avec ma femme. Bon, je désavouerai Rosa, voilà tout. Monsieur! Oui? Justement, ce sont ces dames. Je vous conseille de vous en aller. Quelle dame? Mais madame Moulineau et sa mère. La femme du docteur? Ah, ben vraiment, il a de la chance, elle revient, elle. Allez prévenir monsieur Moulineau que je suis là. Moi, madame Aigreville. Madame Aigreville. Sa Majesté. Ah, j'y vais. Ah, monsieur va être bien heureux, madame. Eh bien, c'est son affaire, mais ça m'étonnerait. Sa Majesté, madame Aigreville. Oh, mais ce n'est pas clair, ça. Mais je vous demande pardon, alors vous n'êtes pas... Quoi donc? La reine du Groenland? Moi, la... C'est son eczéma qui lui remonte. Non, bah alors j'ai pris des vessies pour des lanternes. Hein? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mon Dieu, madame, je vois que vous aurez sans doute à causer avec le docteur. Je me retire. Monsieur? Madame, elle est charmante, la femme du docteur. Et toi, tu sais, ma fille, pas de faiblesse. N'ayez pas peur, maman. Enfin! Yvonne, oh, dans quelle inquiétude tu m'as mis. Arrière, monsieur. Hein? Ne vous méprenez pas sur le motif de notre présence ici. Mais... Ah, vous avez cru que cela se passerait ainsi? Non, je sais quel devoir mon rôle de mère m'impose. Aïe, si elle s'en mêle. Mon gendre, puisque tant est que vous l'êtes, je vous ramène votre femme. Oh, belle maman, voilà un beau mouvement. Arrière, donc. Ce n'est pas comme vous l'entendez. Nous avons longuement réfléchi, ma fille et moi. Et voici ce que nous avons décidé. Alors, si votre fille vous a écouté, ça va être joli. Il n'y aura plus rien de commun entre votre femme et vous. Qu'est-ce que je disais? J'avais d'abord pensé à me retirer avec ma fille chez moi. C'est ainsi que nous avons passé cette nuit au Grand Hôtel, chambre 432, au quatrième, sur la place. Mais il ne convient pas que nous soyons livrés aux commentaires du monde. Ma fille vivra sous le même toit que vous pour sauver les apparences. Oui, ah oui. Eh bien, je me charge bien une fois seule avec ma femme. Et j'habiterai avec elle. Hein? Pour être son conseil et son défenseur. Ah, ben ça va être gai. Nous ferons absolument ménage à part. Nous prendrons chacun une moitié de l'appartement. Ceci, côté des hommes. Ceci, côté des dames. Ici, salle mixte. Oui, pour les parlementaires. Voilà comme j'entends régler notre existence et apporter la paix dans le ménage. Ah, eh bien, je vous fais mon compliment. Mais c'est fou, voyons. On n'a pas idée de ça. Car enfin, que m'en reproches-t-on au bout du compte? Oui, enfin, dis-le, Yvonne, que m'en reproches-tu? Moi? Ne réponds pas, Yvonne. Ah, bien, vous allez la laisser parler, vous, par exemple. Oh, pas d'emportement, monsieur. Comment, monsieur? Vous avez le front de me demander ce que j'ai à vous reprocher? Oui, il a le front. Je ne vous parle pas à vous. D'abord, je vous prie de parler plus poliment à ma mère. Ce sera bien pour vous, par exemple. Hein? Bon, alors, eh bien. Et comment? Je vous surprends dans un magasin de couture, en tête à tête avec une femme, l'étreignant contre votre poitrine. Pardon, elle n'était pas à moi. Qui? La femme. On venait de me la passer. Vraiment? Et c'est pour ça que vous la serriez dans vos bras? Moi? Oh, non, si tu avais regardé, je ne serrais pas. Je vous dis que vous la serriez, et elle s'y trouvait mal. Ah, tu vois bien. Elle s'y trouvait mal. Voilà qui te prouve suffisamment. Allons donc, vous courez après les couturières. Et vous me les présentez comme des clientes. Mais non, ça c'est autre chose, ne mêlons pas. La femme que vous avez vue, c'est madame Aubin, la femme de monsieur Aubin, tandis que l'autre... C'est la femme à qui? À monsieur Aubin. Oui, Alors, il est bigame. Voilà. Non, mais non, mais non. Il n'y a pas moyen de s'entendre. Mais aussi, c'est vous qui embrouillez les choses. De quoi vous mêlez-vous, après tout, belle maman? Est-ce que ça vous regarde? Comment, de quoi je me mêle? Vous immiscez, là, dans notre vie privée. Ce n'est pas vous que j'ai épousé, n'est-ce pas? Donc, je n'ai l'explication à donner qu'à ma femme. Je n'ai pas besoin de vous. Non, n'espérez pas que je vous laisse avec Yvonne. Merci. La pauvre enfant, dans vos filets. Dans mes filets, les grands mots. Je vous dis que je veux causer seul avec ma femme. Il me semble que j'en ai le droit. Non! Ma mère, consentez à ce qu'il demande. Que monsieur n'ait rien au moins à nous reprocher. Et je te connais, tu vas te laisser entortiller. Oh, ne craignez rien. Soit, je vous laisse. Vous ne direz pas que je n'y mets pas du mien. Et toi, ne plie pas. Ah, la pauvre enfant. Dire que si je n'étais pas là... Elle serait déjà réconciliée. Quant à vous, Écoute, Yvonne. Oublie un moment que tu as une mère. Et crois-moi, ces deux femmes, c'est le secret de Monsieur Aubin et pas le mien. Je ne les connais pas. Quand je te dirai que ce sont deux sujets, là... J'ai été appelé là-bas comme médecin. Pour un cas pathologique très curieux. De la médecine comparée. Mais enfin, je ne vais pas t'expliquer ça. C'est de la science. Mais il faut des études spéciales. Mais crois-moi, c'est absolument fini. Fini. Tu m'as surpris en train de faire une expérience. Elle n'a pas réussi. Je l'ai abandonnée. Cela vous est facile à dire à présent. Est-ce que c'est bientôt fini? Mais non, quand ce sera fini, on vous appellera. Ah, ne le crois pas, tu sais. Oh, la peste, la peste. Non, je t'assure que tout ce que je te dis est vrai. Il est des cas où un galant homme a le devoir d'altérer la vérité. Oh, si je pouvais vous croire. Mais crois-moi donc. Oh, ça serait si bon, la confiance. Mais voilà, je ne peux pas. Vous devez me mentir. Mais non, mais qu'est-ce qui te fait croire ça? C'est maman. Oh, ta mère. Oh, ta bonne petite mère. Mais ce n'est pas une raison, ta mère. Alors, vous oseriez prêter serment? Mais... Oh, pour convaincre ma mère. Jurez-moi que vous me dites la vérité. Sa mère. Je jure que c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Oh, ça oui, par exemple. Oh, merci. Alors la dame avec qui je vous ai vue, vous ne la connaissez pas? Mais c'est-à-dire que si tu me trouves encore avec elle, je te permets de penser ce que tu voudras. Là, tu me pardonnes. Oh, non, pas comme ça. Plus tard, quand maman sera partie. Et embrasse-moi, du moins. Ah, ça, c'est autre chose. Machin est l'amant de la femme du docteur. Tu es un ange. Alors, vous serez bien raisonnable et vous ne ferez plus comme l'autre nuit. Au lieu de la passer ici, gentiment, où avez-vous été? Nous nous expliquerons plus tard à ce sujet. Oh. Tu n'auras jamais plus rien à me reprocher. Oh, je vous reproche d'être un mauvais mari, de ne pas bien aimer votre femme. Mais c'est toi qui n'aimes pas ton mari. Oh, bah ça c'est nouveau, par exemple. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, j'arrive, je n'ai rien entendu. Oh, lui, sapristi, il va tout gâter. Je vous présente Madame Moulineau. Oui, je sais, j'ai bien vu, j'ai dit, mon gaillard, compliment. Qu'est-ce qu'il a? Et alors, comment ça va, par ça? Vous êtes-vous occupé de nous? Oui, certainement. Je sens la bombe. Vous avez commencé la robe de ma femme? Parlons d'autre chose. Avez-vous été à la chambre aujourd'hui? Quelle robe, mon ami? Rien, une robe de chambre. Oui, c'est-à-dire, une robe que j'ai commandée pour sa femme, une robe de santé. De santé? Oui, mais... une robe homéopathique, avec de l'électricité dedans. C'est encore de la science. Oh. Si je pouvais le faire entrer sous terre. Oh, cela me paraît louche. Mais non, enfin, tu vas pas te mettre encore des idées dans la tête. Il la tutoie devant moi, il n'a aucun tact. Mais ne sois donc pas soupçonneuse. Aie toujours confiance en moi, qu'il te suffise de savoir que je n'aime et n'aimerai jamais que toi. Oh. Ciel, le mari. Mais puisque je te répète que je t'aime. Et... Monsieur Machin. Oh, Yvonne. Mais voyons pas devant tout le monde. Mais quoi? Mais je n'en rougis pas. Oh, bah ça c'est le comble. Et l'autre qui ne bronche pas. Ah, si. Eh bien. Eh bien, dites donc. Je suis là, moi, vous savez. Il éclate, ça va être terrible. Hein? Quoi? Eh bien, bonjour. Vous ne me dites pas bonjour? Ah, ben bonjour. Et voilà tout. Comment, monsieur Machin? Machin? Mais pourquoi t'appelle-t-il Machin? Hein? Tu crois qu'il m'a appelé? Oh, c'est possible, il est si mal élevé. Oh, si je n'emmène pas Yvonne, il va mettre les pieds dans le plat. Je crois que ta mère t'appelle. Mais non! Mais si, elle t'appelle. Allons, viens. À tout à l'heure. Non, il est cynique. Et vous ne dites rien? De quoi? Hein? De rien. Il est donc sourd. Dites donc. Hein? Je crois que nous les avons dérangés. Oui, je... Non, mais dans quel siècle vivons-nous? Ils sont gentils. Ils sont très gentils. Il n'a aucun sens moral. Dis-donc, mon cher, je ne suis pas bégueule, mais je ne comprends pas que vous ne surveilliez pas plus votre femme. Ma femme? Il est décousu. Et dame, laissez-moi le temps, je ne l'ai retrouvé que depuis hier. Ah, vous ne l'avez retrouvé? Oui. À propos de quoi me parle-t-il de ma femme? Il faut vous dire qu'elle m'avait planté là. Pour le couturier? Non, pour un militaire. Ah, aussi? Oh, bah, c'est une gaillarde. Il y avait un temps infini que je la cherchais, quand hier, au moment où je m'y attendais le moins, vlan, je la trouve dans les bras de qui? De monsieur Machin. Machin, précisément. Comment savez-vous? Ce n'est pas malin à deviner, mais il est admirable de philosophie, le mari. Quand elle m'a vu de bonne heure, elle m'a giflé. Oh, je suis bien content. Oui, battu et content. Eh bien, ça ne m'étonne pas. Oh non, c'est Moulineau qui sera étonné quand je lui présenterai ma femme tout à l'heure. Là, c'est arrangé. J'ai fait à peu près entendre raison à belle-maman. Ah, bonjour, mon cher Bassinet, je vous demande pardon. Tout à l'heure, je vous ai reçu un peu en l'air. Oh, je comprends très bien, ça ne fait rien. Ah, vous êtes encore là, mon cher Robin, vous êtes encore là. J'ai un mot à vous dire. Pardon, monsieur, je vous demande pardon. Oh, faites donc, ne vous gênez pas pour moi. Non, mais c'est que c'est personnel. Ah, parfaitement. Voilà, oui. je vais vous dire, j'attends ma femme, c'est l'heure de sa consultation, et comme je ne l'ai pas revue depuis hier... Ah, fichtre. Vous dites? Non, je dis « à fichtre ». Moi aussi, j'ai dit « à fichtre », seulement ça n'avance à rien. Et je voudrais arranger cela parce que c'est trop bête. Seulement, voilà, comment faire avaler ça, Rosa? Oui, diable. Ouais, tiens, oh, quelle idée. Vous ne me contredirez pas? Mais non, voyons, entre hommes. Je dirais que Rosa... était votre maîtresse. Mais c'est ça. Non, qu'est-ce que vous dites? Mais jamais de la vie. Mais enfin, qu'est-ce que ça vous fait? Il n'y aura qu'elle qu'il saura. Ah ben merci, ça suffit. Monsieur Machin, cher monsieur Machin. Mais je vous dis que c'est de la folie. Non, je ne le peux pas. Ben merci, que dirait madame Moulineau? Vous croyez que... Dame, adressez-vous à un autre. Et à qui? Ah ben, je sais pas, moi. À lui, par exemple, à Bassinet. Mais non, ça n'a pas d'importance. Mais vous croyez que madame Moulineau ne dira rien? Qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Oh, quelle morale, mon Dieu, quelle morale. Enfin, moi, je veux bien. Tenez. Bassinet, arrêtez de chanter, mon ami, arrêtez, j'en détonnez. Voilà monsieur qui a quelque chose à vous demander. Oui, dis-donc, voulez-vous me rendre un grand service? Moi? Oui, un grand, immense. Oh, diable, c'est que nous sommes à la fin du mois et... Non, mais ça ne vous coûtera rien. Oh, alors allez. Voilà, je suis en ce moment-ci, je suis très mal avec ma femme. Elle m'a pincé avec ma maîtresse. Non, c'est bête. Oui, c'est stupide. Oui. Oh, oui. Un mot, elle va venir ici tout à l'heure. Vous connaissez ma femme. Oui. Eh bien, vous lui direz que madame de Sainte-Anigreuse est votre maîtresse. Oh, ben ça, c'est une idée. Ah oui! Seulement elle est mauvaise. Ah bon, non, vous n'allez pas me refuser ça. Parfaitement. Acceptez. Il est président de plusieurs sociétés en formation. Il peut avoir besoin d'immeubles. Oui? J'accepte. Oui? Ça n'engage à rien. À rien. Dites-moi, elle est jolie? Elle est qui, la dame? Très, très jolie, très jolie. Une farceuse? Oui, assez. Une cocotte, enfin. Oui, mais enfin, très bien. D'ailleurs, voici sa photographie. Vous la montrerez à ma femme pour plus de vraisemblance. Oui. Madame Aubin. Ma femme, cachez la photo. Il était temps. Bonjour, chère madame. Bonjour, Suzanne. Vous ici, monsieur? Oh, ben c'est bien. Je n'ai plus qu'à me retirer. Suzanne, écoute-moi, je te jure que je suis innocent. C'est bien, monsieur. Vous expliquerez ça au tribunal quand il en sera temps. Mais au tribunal, mais jamais de la vie. Voyons, expliquons-nous. Tout notre malentendu est le résultat d'une méprise. Tu m'as surpris avec une dame. Oui, mais je ne la connais pas, moi, cette dame. La preuve, c'est qu'elle est un monsieur. N'est-ce pas? Oui. Ah, tu vois. Mais pas d'autre, monsieur. Non, ne soyez pas cruelle, madame. Mais voyons, Suzanne, crois-moi, je t'assure que tu t'es trompée, mais moi. Montrez la photographie, c'est le moment. Oui. Madame Bassinet. Hé, arrive-t-on? Dieu, la maîtresse de mon mari. Je vous présente... Rosa, quel pétrin. Qu'est-ce qu'il a? mon cher Moulineau, je vous présente. Oh, mon Dieu. Rosa ici, filons. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont? Ah ben, ils ne sont guère polis. Oh, ne fais pas attention, c'est la surprise. Oh, madame, voulez-vous me permettre de vous présenter? Je ne vous connais pas, madame. Hein? Encore? Oui, ben, elle n'a peut-être pas bien compris. Ah, la maîtresse de maison. Oui. Madame, permettez-moi de vous présenter. Vous ici? Oh, monsieur, vous continuez votre joli métier. Ah, ça, par exemple, ça dépasse les bornes. Mais non, ça m'arrive tous les jours. Mais vous ne dites rien. Si, si, attends, va, attends. Bon. Malheureuse. Mais comment tu te présentes ici, chez moi? Mais tu es folle. Mais quoi? Je suis avec mon mari. Mais ton mari, mais où? Mais là, Bassinet, qui m'a retrouvé hier. Comment Bassinet? Qu'est-ce qu'il y a donc? Il n'y a rien. Ah, bon, Rosa, au nom du ciel, pas d'esclandre. Va-t'en, ma femme est ici. Ah, oh, mais vous m'ennuyez, la fin. Mais pourquoi lui parle-t-il tous tout bas? C'est trop fort, monsieur. Il ne vous manquait plus que d'amener vos couturières au domicile conjugal. Hein? Oh, mais ils y tiennent. Mais où ça? Mais quelle couturière? Madame! Moi? Non, madame. Moi? Il faudrait s'entendre, cependant, n'est-ce pas? Non, mais pardon, madame est ma femme. Et madame est la mienne. Je vous prie d'y réfléchir quand vous parlez d'elle. Sa femme. Parfaitement. Sa femme et moi qui lui ai remis son portrait. Dites-donc, rendez-moi la photographie. Ah oui, c'est juste. Ne la regardez pas. Bon, pourquoi pas? Non, je vous en prie. Ouh. Vlan, ça y est. Oh, c'est drôle, elle ressemble à ma femme. Vous ne trouvez pas, Aubin? Non, elle a bien trop de... Oh, mais si, regardez dedans, vous ne trouvez pas que ça ressemble à ma femme? Ça n'a pas assez de... Enfin, regarde-toi. Oh, mon ami, tu es dur pour moi. Comment, vraiment? Oh, oui, au fait, c'est vrai, ça ne te ressemble pas du tout. Comment? Mais alors tout ça, c'est donc vrai? Mais je te le répète depuis une heure. Oh, mon cher Anatole. Bah, je te pardonne. Et moi, me pardonneras-tu? Oh, ne me demande pas pardon, ce serait trop. Non, mais sont-ils bêtes? Ah, heureusement que je suis là. Sans ça, ça recommencerait demain. Mon cher mari. Son mari? Mais alors, le docteur Moulineau? Le docteur? Eh bien, c'est lui, parbleu! L'imbécile. Je vous croyais couturier. Mais oui, je l'ai été par procuration. C'est ma tante qui était couturière. Oui? Ah ben, fallait donc le dire. Je ne le pouvais pas. Et pourquoi ça? Pour ma famille, c'est une tante naturelle. Pour célébrer le centenaire de la naissance de Georges Feydeau, le Théâtre populaire de juin 44 vient de vous présenter dans une production de Maurice Bertrand, Tailleur pour dames, une comédie en trois actes de Georges Feydeau. Avec la distribution suivante, Moulineau, Robert Desrans, sociétaire de la Comédie Française, Bassinet, Robert Murzeau, Aubin, Henri Vilbert, Étienne, Harry Max, Madame Aigreville, Béatrice Bretti, Suzanne Moni Dalmès, Rosa Lilissiou, Yvonne Fanny Marette, Madame Derblay Olga Nilza, Pomponette André Gire, la récitante Maud Gypsy. Présentation de Madame Béatrix Dussan. Prise de son Jean Pantaloni, collaboration technique Jean Parentoen, bruitage Henri Saint-Georges, assistante de production Claude Massé, réalisation Roger Dattis. Cette version de Tailleur pour dames a été diffusée pour la première fois sur France 2 Régionale le 20 décembre 1962. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'application Radio France à la rubrique « Des nuits de France Culture ».